Radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Vous êtes dans les coulisses de Bérénice, vous venez d'écouter Black Pumas, le générique de mon émission. Il est 19h, cette émission est enregistrée avec toutes les mesures sanitaires et elle est enregistrée en studio cette fois-ci. Je souhaite la bienvenue à l'artiste Julesy qui vient de sortir un nouvel EP, Mayday Prayer, le 19 avril. Bienvenue dans les coulisses, Julesy. Bonjour, bonjour Bérénice, merci de me recevoir. Je crois que c'était pas 19 avril, c'est le 16 avril. Oui, c'est le 16 avril, oui. Voilà, oui. Donc déjà... Mais moi, le 19, il sera sorti. Donc, il sera sorti, oui. Ouais. Donc sorti donc, le 16 avril. Donc bienvenue dans les coulisses. Tu nous viens du département du 28. Oui. Donc tu as fait un petit peu de route pour venir nous rejoindre en studio. Complètement, mais de la belle route via les champs et les forêts. Voilà, donc tu es justement en première partie, on va parler de toi, vraiment de ton histoire. Pourrais-tu nous parler de justement d'où, de tes origines Oui, bah moi je très bien, merci. Je viens de, essentiellement d'Île-de-France. J'ai passé beaucoup d'années en Île-de-France et je suis arrivé en région Centre il y a quelques mois à peine pour trouver plus de quiétude, d'oxygène, de forêt et d'inspiration. Et j'en suis très content. Et donc ça, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais tu es de quelle origine à la base du Je suis un métis français, un métis sud-est, sud-ouest et breton. D'accord. D'accord. Mon nom, c'est Julien Flous, et ça veut dire fleur en béarnais. Donc ça, c'est pour la partie sud-ouest. Ma mère est du sud-est, et puis mes grands-parents paternels étaient bretons. Enfin, bon. Et voilà, donc un métis français, j'aime bien ce terme. C'est très joli. Parce que, bah très oui, joli. Parce que finalement, ça fait des cultures qui sont quand même assez différentes au sein même d'un pays. Donc voilà. Et puis, j'ai grandi essentiellement en région parisienne, dans l'Essonne, dans le 92, 80, banlieue sud, hein, né à Châtenay-Malabry. Alors, qu'est-ce qui t'a amené de près ou de loin à la musique ? Ah ben, la collection de vinyles de mon père, déjà, qui m'a permis d'avoir une base quand même de référence de musique blues, folk, rock, 60-70. Et puis, la musique est venue aussi par le rythme. Ma mère était quand même... aussi, il y avait une sélection de disques assez importante. Et puis, surtout, elle faisait beaucoup de rock acrobatique au début des années 80. Du rock, voilà. Donc, elle a fait, je crois, quelques émissions avec Antoine Decaune quand il était tout jeune. Et puis, elle fréquentait tous les boîtes, mais où on dansait vraiment le rock, comme les bains-douches à Paris. Et donc, j'ai quelques souvenirs dans les loges des bains-douches. Ça devait être, enfin, je sais pas, c'est vraiment les débuts des années 80. Et ça, je pense que ça m'a donné la fibre de bouger sur une scène et de bouger. Voilà. Et ton parcours d'études, quel a été ton parcours d'études ? Alors, mon parcours d'études, il a été choisi en fonction... Enfin, je réalise maintenant que c'était un choix par rapport à mon projet musical, parce que j'ai eu un coup de foudre pour l'anglais à l'âge de 11 ans. Mais vraiment, hein. Donc genre, je me suis dit, si je dois être bon dans un truc, bon, ou ouais, assez bon, en tout cas... ce sera ça. Donc, je suis allé, j'ai poursuivi, j'ai des études d'anglais, j'ai une licence. Et j'aime beaucoup la littérature anglaise que je lis tous les jours. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi l'Angleterre, les États-Unis, enfin moi. Et voilà. Qu'est-ce que c'était la question déjà ? Excusez-moi. Quel est ton parcours d'études ? Ah oui, voilà. Donc, une licence d'anglais. Et donc ensuite, après, ben, il a fallu aller bosser vers l'âge de 19-20 ans, parce que l'école, quand ça fait déjà 20 ans qu'on y est, on se dit, bah, on va essayer de faire autre chose, même si j'aurais pu continuer. Et donc, non, je n'ai pas tout de suite écrit des tubes internationaux. Je suis allé faire du standard et de la manutention. Le temps de payer de payer mon loyer à l'âge de 19 ans, quand je suis parti chez ma mère, et puis, voilà, et puis payer le loyer. Puis après, j'ai eu mes groupes, donc je répétais le soir et... C'est un très long parcours, hein. Ça fait déjà une vingtaine d'années, puis je crois que j'ai jamais lâché. Voilà. Tu as pris des cours pendant justement cette période, des cours de musique. Ouais. Bah, j'ai commencé bizarrement avant tout le monde avec la flûte à bec, avant que ça devienne un supplice pour tout le monde en sixième. Moi, j'avais un grand-père que j'admire, qui est parti le même jour que Serge Gainsbourg. C'est pour ça que je m'en souviens très bien de cette date. Et c'est lui qui, en me voyant à bouger à l'âge de 2-3 ans quand il mettait des disques de musique classique, imiter le chef d'orchestre, qui a dit à ma mère, celui-là, faut le mettre à la musique. Donc, ce qui coûtait moins cher, était peu encombrant, c'était la flûte à bec à 7 ans. Et donc, déjà, c'est bien. Et ce qui m'a permis de découvrir, en fait, la scène, je réalise à l'âge de 8 ans sur les auditions quand il y a les parents qui viennent et de voir cette pression quand on est tout petit. Et je pense qu'il y a eu déjà un coup de foudre là-dessus. Puis ensuite, à l'adolescence, quand j'ai commencé à découvrir, les années 60, Jimi Hendrix, Woodstock, tout ça, et que j'ai vu mes copains se faire pousser les cheveux et jouer de la guitare, je me suis dit, quand même mieux avec les filles la guitare que la flûte à bec. Donc, faut pas se mentir, je me suis dit, ah, je vais prendre quelques cours, j'ai pris un an de cours de guitare classique, puis après je me suis mis à imiter tout ce que je pouvais, de Jimi Hendrix à Nirvana, les Doors. Et puis après je me suis dit, faut monter un groupe. Donc voilà, à 15 ans, on a commencé les groupes d'adolescents. Voilà. Avant de parler justement de tes influences, on rappelle que tu es auteur, compositeur, interprète. Certainement. Certainement. Alors, on va t'écouter rapidement. Donc je vais te demander de prendre ta guitare. Ah bon ? Oui, avec grand plaisir, oui. Où est-ce qu'elle est, Jacotte? Voilà, et de nous interpréter un premier titre et sur lequel on va se retrouver justement et parler de ce titre. Quel est le titre que tu vas nous interpréter? C'est un titre de l'EP qui vient de sortir. Ce titre s'appelle Before We All Forget, qui veut dire avant que nous oublions tous. Et donc ça parle essentiellement de ce monde dans lequel on vit, qui peut être très très fou, complètement zinzin, surtout en ce moment, mais qui peut être aussi très beau. Et donc c'est pour voir, en gros, le verre à moitié plein, et se dire qu'il y a encore de belles choses. Enfin, faut garder espoir, voilà, tout simplement. À tout de suite. Ah, tu t'en vas ? Counting the seconds left in my fortune, sparing a few, waiting for the two. How many more wasted on this tune? In the empty room, waiting for my cue. The winds are wailing, melodies long gone. Tides are washing, hearts made of stone. I pray for someone to have a prayer left. Faith, we are all bereft. Give me this fire deep in the night to make everything feel right. Change my world, making it well. Risking another bet before we all forget. Give me this fire deep in the night to make everything feel right. Changing my world, making it well. Risking another bet before we all forget. Painting shadows to keep ourselves warm. It ain't easy to separate from the swarm. The flight is long, heart speed steady. Will there be another sun to see? Claiming lives on the billboards of chance, inventing skies for the moons to dance upon. Put your wings in mind now, when life is all we allow. Give me this fire deep in the night to make everything feel right. Changing my world, making it twirl. Risking another bet before we all forget. So give me this fire deep in the night. Make everything feel right. Changing my world, making it twirl. Risking another bet before we all forget. Bravo, vous nous rejoignez dans les coulisses avec Julesy. Je vais applaudir. Bravo, on a passé un très très beau moment. Donc vous nous rejoignez avec Julesy, qui est un artiste de la région Centre-Val de Loire et qui vient de sortir un nouvel EP Mayday Prayer le 16 avril dernier. Ah oui, il y a eu une petite correction de ma part. Donc Julesy, pourquoi Julesy? Pourquoi le nom d'artiste Julesy? Tout simplement, car en fait, c'est le diminutif que me donnaient mes potes anglais à la fac et même après. Julien, je m'appelle Julien, donc mon diminutif c'est Jules, et voilà. Un peu comme en espagnol, on met les hito, les pepito, tout ça à la fin, les niño pour moi. D'accord. Le Y, c'est le diminutif de Jules, Julesy. Et voilà, j'ai pas mis Jules parce qu'il y a énormément de Jules, notamment en Angleterre. Il y a un présentateur télé, pianiste incroyable, s'appelle Jules Holland. Et pour ne pas me confondre avec lui, mais s'il y a quand même peu de chance, je me suis dit, j'ai mis un Y et c'est. Voilà. Donc petit Julien, mais plus dans le sens surnom, quoi. Pas que je sois particulièrement petit ni grand. D'accord, donc on connaît l'explication. Et quelles sont tes influences? Donc tout à l'heure, tu nous as parlé de Jimi Hendrix. Ouais, ça c'est les coups de foudre d'adolescence, hein. Pink Floyd, Jimi Hendrix, mm-hmm. Toute la musique à la fin des années 60 de Woodstock que j'ai dû voir 350 fois. Mm-hmm. Les Doors, évidemment les Beatles et les Stones. Et énormément aussi de musique classique. Ça vraiment, je m'en nourris beaucoup. Mm-hmm. Et de tout compositeur, de tout style, même si j'ai eu vraiment aussi un coup de foot pour Claude Debussy et Beethoven, en fait. Claude Debussy pour cette couleur un peu plus moderne, 19e siècle, qui d'ailleurs me faisait penser des fois à Pink Floyd, en fait. C'est marrant, hein. J'ai établi un parallèle dès mon adolescence en me disant ouais, « on dirait du Pink Floyd du 19e siècle ». Sur plus, les couleurs, sur un peu les tons pastels de la musique. Et puis Beethoven, parce que j'associe énormément sa musique à la nature, enfin surtout la pastorale, qui est ma symphonie préférée. Et voilà, donc beaucoup de musique, et de folk, parce que j'ai aussi fait de la musique celtique. Donc j'ai 42 ans maintenant, et j'ai eu le temps quand même depuis 20-25 ans d'aller découvrir beaucoup de styles et de pratiquer aussi beaucoup de styles différents. Donc mais le socle, c'est quand même la pop, la pop anglaise, le folk et les musiques un peu afro-américaines, funk, soul, voilà. Alors, le titre que tu viens de nous interpréter, Before We All Forget, tu as sorti un clip. Oui. Donc, il y a quelques semaines. Oui, certainement. Et qu'est-ce que tu as voulu nous dire à travers ce clip, hein, puisqu'il est un très, très beau clip, hein, que je recommande. Oui, donc c'est un clip maison, enfin... Hein, tout ce que je fais est très artisanal pour l'instant parce que c'est beaucoup d'autoproduction. Donc, on fait surtout du style. C'est l'idée qui prime, hein, c'est le système D. Voilà. Alors, le message, c'est vraiment celui que je décrivais tout à l'heure. C'est que ce monde est fou, mais il est quand même très beau. Donc, je me suis dit, dans ce clip, j'avais envie de trouver des images avec des contrastes très forts entre des magnifiques paysages et des paysages de pollution. Des paysages, et donc ça s'accélère beaucoup, on peut dire familièrement que ça part bien en cacahuète à la fin. Et comme souvent, je prends une navette et je vais dans l'espace. En fait, c'est plutôt pour inciter chacun à avoir une part d'imagination et un refuge un peu mental, qui est d'ailleurs ce que j'ai trouvé, moi, enfin ce que j'ai plus renforcé, parce que je l'avais déjà. Ce monde intérieur dans lequel se réfugier. Voilà. C'est vrai qu'avec le confinement, il a fallu d'un monde intérieur dans lequel se réfugier. Parce que le monde extérieur, c'était un peu compliqué. Quoi. On va en parler justement de la façon dont... C'est, généralement, je garde le Covid pour la fin. Voilà, mais on pourra en parler, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais savoir sur quel type d'instrument, quels sont tes instruments? Tu joues de quoi aujourd'hui? Enfin, avec nous, une guitare? Oui, guitare électroacoustique. De quelle marque? De marque, bip, une Taylor. Une Taylor que j'ai achetée à Pigalle. Non, je ne veux pas prendre cet accent-là. Donc, que j'ai acheté à Pigalle, donc, qui me suit depuis quelques temps. Et sinon, Fender Telecaster, n'est-ce pas, pour la partie électrique. Fabuleux, très beau son clair, très bon. Enfin, voilà. Mm-hmm. Et je fais également beaucoup de basses. En fait, j'aime produire déjà mes maquettes avant de les distribuer aux musiciens. Donc, ça me permet de faire toutes les parties. Basse Music Man 5 cordes, fabuleux. Puis aussi du piano, mais je n'ai pas de piano, un clavier numérique. Ouais, on aurait bien voulu en installer un ici, ça aurait été chouette. Et puis je fais aussi de la batterie, mais je n'ai pas encore acheté mon instrument. Puis c'est, j'en joue pas vraiment encore dans mes morceaux, même si ça va être un des objectifs que je vais atteindre sur le prochain album. Mm. Bon. Oui. Voilà, non, j'ai fait le tour. ton projet Julesy, est-ce que c'est ton premier projet? Non, mais c'est la continuité de tous les autres. Depuis que j'ai commencé. Ouais. T'as eu qui d'autre comme projet? Alors, mon tout premier groupe s'appelait Mycelium. Et je l'ai fondé, j'avais 17 ou 18 ans, 17 peut-être, avec mes copains de collège de l'Essonne. Et c'était vraiment ça s'inspirait du rock progressif des années 70. Alors, il y en avait Pink Floyd, mais pas que. Ah, c'était un melting pot de style, du reggae en passant par Brassens. Et j'aimais bien ce mycélium qui est la partie végétative des champignons et qui était aussi une bonne image du musicien parasite de la société qui vit au crochet de la société. Bon, c'était bien sûr ironique. J'aimais bien ce... Puis ça donnait visuellement aussi de belles pochettes de champignons, de ramifications. C'était assez psychédélique, sans parler des champignons en eux-mêmes, n'est-ce pas? Beaucoup les omelettes hollandaises. À l'époque, parce que je ne m'étendrai pas plus, la jeunesse doit se faire, elle s'est faite. Ensuite, ce groupe, un peu, quand je suis parti à Paris à la faculté, il est mort de sa belle mort, donc je suis parti sur un autre projet qui s'appelle Hopsy, qui est un peu mon autre surnom qu'on me donnait à la fac. Et Hopsy, ça veut dire Hope Psychopath, c'est-à-dire que c'est le psychopathe de l'espoir, c'est-à-dire que c'est. Comme Peck Citron, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire qu'il toujours au fond de l'obscurité, trouver cette petite lumière qui fait qu'on ne lâchera jamais. Quoi. Et c'est, voilà. Donc ça, c'était beaucoup plus rock. Et ensuite, parce qu'on a toujours été entre 4, 5, 6, 7 dans mes formations. Et je me suis dit, en 2012, pour des raisons de planning, et puis vu que je composais tout le temps, que j'étais un peu le moteur de tous mes groupes, ben voilà, c'est comme ça, c'est très bien, sous une certaine forme. Et je me suis dit, en 2012, je vais repartir sur un truc guitare-voix, un truc très simple, où, pour répéter, il n'y a besoin que de moi-même. Il n'y a plus de problème de planning, de choix de direction. Et j'ai fait grandir ce projet de Julesy comme ça depuis 2012, avec un premier EP en 2012, puis un album en début 2017. Donc, tu as fait quelques scènes, de belles scènes? Ouais, quand même, ouais. Tu peux nous en parler? Oui, carrément. L'expérience avec que Julesy, t'en as eue. Alors, grâce à mon ami David qui travaillait donc à Clamart, j'avais fait, donc ça c'était fondateur, c'est là où je me suis dit en guitare-voix, donc c'était je crois le 17 novembre 2011, un truc comme ça, ou 2012, j'avais fait la première partie de Gary Lucas, qui pour moi était celui qui avait écrit un des deux plus beaux titres de l'album de Jeff Buckley, qui était aussi une influence complètement dingue de mon adolescence. Donc le fait de faire sa première partie, échanger avec lui et tout, et de le rencontrer, c'était déjà un super moment. Ensuite, en 2015, j'ai participé au festival Folky, qui était au Divan du Monde, où j'avais pu faire tous les arrangements avec des cordes et tout. Ça, c'était chouette. En 2016, j'y suis allé un peu au culot, l'histoire est longue. J'ai fait la première partie de Morcheeba, qui était donc un groupe de pop, trip-hop anglais que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai lié contact avec force et abnégation à la sortie de leurs 20 ans au Bataclan. Je suis resté jusqu'à 1h du matin. Et quand le guitariste est descendu du van, j'ai fait ça va, t'as 2 minutes? Puis il a trouvé ça marrant, ouais, il a trouvé ça. Il a dit, ouais, t'en veux. Et donc, on a gardé contact. Et un jour, il m'a proposé de faire la première partie de Morcheeba, donc le 20 octobre 2016, pour quasiment la réouverture de l'Élysée Montmartre. Et je me souviens bien, quand j'ai lu le mail, je crois que j'en ai pété une chaise parce que quoi? Et donc, c'était fabuleux. Il y a une vidéo, d'ailleurs, un titre de mon album que j'ai fait en guitare-voix qui est sur ma chaîne YouTube. Et puis ensuite, grâce encore à mon ami David, que je citais susnommé précédemment, j'ai pu faire Solid Days en trio le 23 juin 2018. Et ensuite, voilà, c'est déjà très bien. C'est déjà magnifique. C'est magnifique, Bérénice. Eh oui, c'est des belles scènes. Hein. Oui, c'est oui. Des belles scènes. Et puis, plusieurs voyages très initiatiques de moi-même avec ma guitare. En fait, j'aime bien faire la tournée des open mics, qui sont les scènes ouvertes. C'est depuis 2009, je suis parti tout seul à New York, faire Broadway, Brooklyn, me retrouver au cœur de Harlem aussi. Et donc, j'ai fait aussi San Francisco, Los Angeles. Alors, ça se passe comment ? Tu es parti donc, avec ta guitare et ouais. Ça se jouait dans la rue ? Non, non, c'est des lieux, open mic, il y a vraiment un circuit très, très... Ah, il y a un circuit ? D'accord, je ne connaissais pas. Par ville, c'est vraiment quelque chose qui est très reconnu en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays anglophones. On arrive, donc il faut les repérer, il faut vraiment les repérer à l'avance. S'inscrire des fois à l'avance ou s'inscrire à 19h, être sûr d'être sur un bon spot pour jouer, slot plutôt on dit. Ouais. Et voilà, on joue deux morceaux, on passe avant d'autres artistes. Ça peut être de la musique, ça peut être des songwriters, ça peut être du stand-up. Comme à Broadway, je suis passé entre deux écoles de comédie musicale, c'était complètement fou. Harlem, bah, je suis passé entre un chanteur de soul et un chanteur de soul et un chanteur de rap, et voilà. C'est ouvert à tous les artistes. Il n'y a pas de condition particulière. Ouais, ouais. Toute nationalité, ouais. Tout type. D'accord. Là, c'est la scène ouverte. Mm-hmm. Et donc, c'est très formateur. Mm-hmm. Ça, pour se dire, je vais jouer mes compos devant un public uniquement anglophone. C'était un projet que tu avais depuis longtemps ? Ah ouais. Ah ouais. Et puis, c'est vraiment cette adrénaline de partir seul avec sa guitare et de se dire, vu que je chante en anglais, autant assumer jusqu'au bout, aller à la rencontre du public là-bas, quoi. Puis dans les lieux mythiques qui m'ont toujours fait rêver, hein, New York, San Francisco, Los Angeles, enfin, la Nouvelle-Orléans, et Londres, beaucoup, la côte anglaise. Ouais. Moi, j'ai bien envie de t'entendre encore à nouveau. Ah ! Est-ce que t'as quelque chose pour nous ? Bah oui, un deuxième titre. Un deuxième titre ? Un peu moins mélancolique et plus... Mmh. Un peu plus rock, mais je vais essayer de faire. Et qui s'appelle ? Qui s'appelle Another Second. Ça, c'est une autre seconde. Alors, ça, c'est vraiment un titre pour profiter de la vie parce qu'elle passe vite, mais c'est un message assez simple. On t'écoute. For those who wonder how to make. Life is dull, your ambition is down. Rise a clown above the ground. Find yourself a sun to blaze. Thou will last another second. For your lies again, fool yourself. No teacher for this lesson. Just put the books back on their shelf. If you're ready to explode, shine your light to make it worthwhile. If you live by the simple code, you get pride and you get style. Out on the street looking for fun, even chase lonely rats on the run. When boredom is stuck to the bone, you can only fight the addiction alone. Cause I will last another second. Before your lies again fool yourself. You're not teaching to this lesson. So put the books back on the shelf. If you're ready to explode, shine your light to make it worthwhile. 'Cause if you live by the simple code, you get pride and you get, and you get. 'Cause I will last another. Bravo, Julesy. Tu viens de nous interpréter le titre, tu m'as dit. Another second, une autre seconde. D'accord. Merci beaucoup pour ce beau moment. Alors, on était en train de parler, bien sûr, de... Bien sûr, on a parlé de ton histoire. On était en train de parler, bien sûr, de toutes les scènes que tu as, sur lesquelles tu as joué, bien sûr. Et tu es partie donc aux États-Unis également, tu m'as dit. Donc, toutes les expériences, hein, toutes tes expériences, on était en train d'en discuter. Donc, tu es auteur, compositeur, interprète. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Et pour savoir quel est ton processus d'écriture. Est-ce que c'est plutôt dans des moments où tu es plutôt triste ou plutôt... plutôt content. Enfin, qu'est-ce qui t'inspire hein, sur, bah, sur les deux? Non, non, mais les émotions, j'essaie que ça soit un panaché. Alors, il y a plus de bonnes vibes. Et même au sein, en fait, ce que j'aime pour décrire ma musique et mes textes, c'est-à-dire que c'est habité, que ça soit... Même, en fait, même la mélancolie est habitée, même au fin fond, quand c'est très mélancolique, il y a tout, c'est jamais très dark pour être dark. Il y a toujours cette lueur, en fait... comme une étoile, là. Enfin vraiment, c'est... En fait, c'est marrant, je lis... Enfin, l'astronomie et l'espace sont très présentes dans ma musique, mais en termes d'image, c'est-à-dire que les étoiles sont des phares, en fait, dans un infini complètement noir, et c'est un peu ça aussi. Donc, les émotions, elles sont multiples, et je compose pas que... Non, je me considère pas comme torturé. En fait, il y a un juste milieu qui est humain, c'est-à-dire qu'on est tous traversés par des émotions différentes. Sauf que d'être artiste, c'est bien, ça ne permet, il n'y a pas forcément besoin de les contrôler comme si on était un sang-froid. Voilà, ça permet au contraire de les canaliser, d'y mettre un harnais. Tel. Et voilà. Et quand je compose, ben c'est quand j'ai le temps, quand je le décide. Et c'est vrai que il faut avoir la tête. Comme je ne fais pas que ça, parce que j'ai voilà, y a d'autres activités qui, pour l'instant, c'est bien, me permettent de vivre, mais qui ne sont pas que de l'artistique. Je compose quand je peux. Et en général, c'est ouais, des périodes de vacances où on se dit, on souffle par rapport à son boulot alimentaire. Et on s'y met vraiment parce que c'est ce que je veux faire à terme complètement à 100%. Donc voilà. Alors, par rapport toujours à ton processus d'écriture, tu commences à composer et tu poses ensuite tes mots ou alors l'inverse, ou alors ça se fait au fur et à mesure. Ah, c'est vraiment au fur et à mesure. Hein, Il y a des thèmes qui... Il y a des flashs des fois, dans des rêves, ça peut arriver, des trucs qui sont vraiment fugaces et que je note tout de suite, une mélodie que je siffle, qu'il faut absolument... C'est vraiment dingue des fois, comme il faut prendre l'idée à l'instant est absolument l'enregistrer là, quoi. Et ça devient une évidence. Et ensuite, selon l'émotion, ouais, y a le thème de la chanson s'impose assez facilement. Et puis, j'aime bien aussi me faire des commandes à moi-même, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont j'aime parler, des images que j'aime utiliser. Et je sais que, bon, il y en a qui sont plus évidentes que sur certaines rythmiques ou mélodies. Et je me dis, bah, voilà, j'ai parlé de ça. Par contre, il y en a d'autres que j'ai pas pu évoquer. Et ça, j'aimerais me passer commande, un peu entre guillemets, dans le futur, pour dire j'aimerais bien écrire sur ce thème-là ou sur cette émotion-là. Ça peut être soit très, très animal, très spontané, ou soit c'est quand même assez réfléchi à l'avance, comme une commande, me passer une commande à moi-même, en fait. Donc là, le nouvel EP est sorti le 16 avril, donc il y a 4 titres. Ouais. Le titre c'est de l'EP est Mayday Prayer. Ouais, pourquoi ce titre? Ça veut dire prière du 1er mai. Ça, c'est une histoire personnelle. Enfin, c'est une histoire personnelle, non. C'est une composition qui est quand même... qui est quand même beaucoup plus mélancolique et triste que les autres. Mais toujours avec cette idée d'aller chercher une petite lumière et un message à la fin. Donc, c'est la prière du 1er mai. C'est une histoire personnelle. Enfin, comment dire, non. En fait, c'est l'histoire d'un individu qui est vraiment... très déprimé au début, de cette histoire. Et il y a cette image d'une graine qui pousse dans le béton, et qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui ne s'arrête plus, et qui va embrasser la Lune et entourer la Lune, en fait. Alors justement, je voulais rebondir dessus par rapport à ton visuel de Ouais, cette EP. c'est ça. Donc, moi, je mettrai de toute façon le visuel dans l'événement de cette radio. Enfin, mais est-ce que tu peux nous décrire le visuel, puisque tu es venu aujourd'hui Ah oui, c'est vrai, avec ton costume de scène? ouais, c'est une Et il y a veste, un mais même une lien, veste. voilà, et tu as un lien avec justement cet univers, Ouais, donc carrément. d'espace, de nature, de petites graines. Explique-nous un petit peu ce que Julesi aujourd'hui a voulu nous montrer à travers cette EP. Alors musicalement, c'est vraiment quatre titres différents. C'est un laboratoire musical où j'ai testé quatre titres différents. Je l'ai assumé vraiment en disant, il n'y a pas, mis à part le fait que ça fasse 1, 2, 3, 4. J'ai essayé de faire une sorte de montagne russe, voilà. Mais ça, c'est juste pour la partie musicale, mais pour l'image un peu, si on prend du recul, c'est vraiment très lié à mon album d'avant, qui s'appelait Bloom on the Moon, ce qui veut dire fleurir sur la lune. Donc j'essaye vraiment d'avoir un fil directeur entre mes... Ouais, c'est marrant, c'est parce que j'ai vraiment cette passion-là, et je me dis à chaque fois, on y revient à cette même poésie spatiale. Et c'est voilà. Donc le graphiste, c'est toi qui l'as fait. Ah non non non le graphisme c'est non non c'est l'atelier graphique s'appelle Atelier A. Je sais plus combien de A il y a. Ils sont basés à Saint-Ouen. Je leur fais un coucou s'ils écoutent, et ils ont fait toute la charte graphique de mon premier album. Je leur ai demandé, à partir d'éléments du premier album, de créer quelque chose d'autre et de pouvoir aussi me faire des visuels qui vont être brodés. Parce que je voulais vraiment avoir une veste. Alors j'ai acheté une veste d'officier italien des années 70, et voilà, j'ai pu trouver une fabuleuse mercerie à Épernon, là où j'habite, qui s'appelle Un fil, une aiguille. Je leur fais de la pub parce que cette veste est très très belle. Et donc les visuels sont de cet atelier graphique. Et je voulais qu'il y ait une continuité avec l'album d'avant. Donc c'est vraiment une liane, une graine qui pousse dans le sol. Il y a cette liane qui va entourer la Lune. C'est un peu pour dire, ben voilà le chemin vers le monde de Juicy. Et c'est un peu aussi pour mon histoire personnelle. Et puis non, c'est-à-dire que faire pousser une graine dans le béton, parce que j'ai vécu très longtemps dans le béton. Et que, enfin, Il y a plein de symboles. c'est une ode aussi à la persévérance et à l'abnégation et aux rêves, et croire en ses rêves, c'est un peu cliché, mais finalement, c'est quand même des belles valeurs, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qui pour toi fait une bonne chanson? Ah, la mélodie, je pense, ouais. Ah, une chanson, ouais. C'est vrai que le format court est quand même sympa. Sur une chanson qui doit être radio, qui doit être accrochée tout de suite. J'aime bien le côté un peu compète. C'est-à-dire les trucs qui forcent l'admiration, comme les Beatles, les compositeurs qui vous trouvent des trucs accrocheurs. Les refrains vraiment qui sont des refrains qui explosent dans votre tête. Ça c'est fabuleux. Voilà. Donc tu es porteur de ton projet Julesi, c'est plutôt un projet solo, mais comment tu vois évoluer ton projet? Dans le bon sens. Bien sûr, vers évoluer, sinon ça ne serait pas évoluer. Ouais. Non, non, mais. Oui, donc c'est un projet personnel sur lequel j'aime avoir des collaborations. Voilà, ça peut être tout seul, avec d'autres personnes. Mais qu'on comprenne bien qu'à chaque fois, c'est moi. C'est vrai que c'est pas un groupe comme j'avais à l'adolescence. C'est-à-dire, il y a un groupe de rock, on s'appelle comme ça, et c'est soit tout, soit rien. Là, c'est vrai que mon identité se retrouve que je collabore avec 4-5 musiciens ou que je sois tout seul. Et l'évolution, c'est que là, j'essaye au niveau structuration. Donc j'ai monté mon label, voilà, qui s'appelle Mycelium Music, avec des partenaires que j'essaye de faire évoluer afin de pouvoir un peu quitter, voilà, un peu avoir d'autres moyens que l'éternel système D que j'ai depuis 10-15 ans. Et voilà, donc j'espère que le prochain album, j'aurai un peu plus de moyens. Je serais déjà très content d'avoir ce label. C'était un peu, voilà, être signé par un label, c'est un peu un rêve pour un rêve que j'avais, enfin un rêve non, un objectif, et mais qui dans l'actualité du disque actuel depuis 10-15 ans, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Enfin, c'est vrai que moi j'ai connu donc l'avènement de la cassette, du CD, où c'était bien plus facile d'en vendre, bien plus facile sûrement de se faire produire. Il y a eu sûrement un âge d'or qui est révolu. On n'est plus sur les mêmes économies. Et ben, plutôt que d'attendre de l'aide de quelqu'un d'autre, ben, j'ai décidé de me prendre en main à ce niveau-là aussi. On verra. Alors justement, par rapport à ton EP là, qui est sorti le 16 avril, Mayday Prayer, il est sorti juste en numérique? Sur oui, des complètement. Et sur quel type de plateforme on peut le trouver? C'est une très bonne question. Mais il y en a une vingtaine. Il y a les plateformes de streaming classiques, hein, Deezer, Spotify, Apple Music. D'accord. Donc on tape Jolsy, alors qu'il s'écrit J-O-O-L-S-Y. Voilà, exactement. Et donc c'est ton nouvel album Mayday Prayer qui est sorti le 16 avril. Donc on peut le trouver. Est-ce que le choix d'avoir sorti un clip il y a quelques semaines, ensuite sortie officielle sur toutes les plateformes numériques, sans avoir de support physique, est un choix? Choix financier, parce que je n'avais pas les fonds pour presser. Si tu avais eu les fonds, tu l'aurais fait sous quelle forme? Un vinyle, parce que pour moi c'est vraiment l'objet, le bel objet. C'est vrai que les CD... De par l'expérience depuis, je pense qu'il y a beaucoup de groupes dans mon cas qui ont pour ceux qui ont la chance aussi d'avoir une cave pour stocker, mais alors les cartons de CD qui s'entassent, c'est un format qui peut encore vivre, parce que je pense qu'il y a, je voyais par exemple, je sais pas, les grands chanteurs, enfin ceux qui font encore beaucoup de ventes en France, Grand Corps Malade ou d'autres, je vois qu'ils vendent encore beaucoup de CD, parce que je pense que ils ont un gros public, donc qui ont peut-être encore l'habitude d'aller justement, mais c'est très bien aussi acheter des CD, mais je préfère, moi j'en presse tellement peu que je peux pas avoir cette logique là, c'est tellement tellement artisanal, je préfère faire du vinyle, parce que moi-même j'adore ce format là et je trouve que ça fait vraiment un bel objet, surtout quand on a des visuels très personnalisés donc il faut les faire vivre sur des formats aussi, parce que sur un CD c'est assez petit, mais voilà, si j'avais pu. Selon toi, de quoi as-tu besoin pour faire évoluer ton projet? Donc, tu as sorti ton label, donc tu es artiste producteur. Oui, bien sûr. Et donc, tu m'as dit qu'il y avait besoin, bien sûr, de moyens financiers. Donc, ça semble logique, mais comment tu vois la suite de ton histoire d'un point de vue direction artistique? D'un point de vue de direction artistique, continuer les collaborations, trouver d'autres partenaires professionnels, parce que je peux pas non plus tout faire, c'est voilà, notamment sur la diffusion, trouver des concerts, trouver un tourneur intéressé. Je pense qu'on peut trouver les partenaires, on peut trouver son public, continuer à croire dans la singularité de ce que je fais, c'est-à-dire que c'est voilà, on le trouve, parce que j'ai souvent eu du mal à assumer ma case, enfin c'est-à-dire à la créer, surtout à me dire je fais pas assez de trucs. Enfin, mon style n'est pas assez à la mode ou c'est trop personnel. Mais en fait, non, on l'affûte. Et plus on l'affirme, et plus on est sincère. Et je pense qu'on peut aller à la rencontre d'un public. Et c'est ça qui me fait continuer. Je me dis que de rencontrer. Parce que je suis moi-même, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais consommateur de musique. Enfin, voilà, j'adore découvrir plein de choses, aller en concert, aller. Voilà. Et il y a beaucoup de passionnés de musique pour qui, même de mélomanes, des gens qui ne jouent pas forcément, les publics. Et il y en a vraiment beaucoup à qui la musique fait du bien. Et je pense qu'il y a, voilà, c'est de croire encore en ce que je fais et de me dire que je trouverai petit à petit, avec abnégation, un public qui pourra comprendre ma musique. Et voilà. Et de continuer, parce que ça me fait. Parce que c'est aussi un projet de vie. Hein. Je n'ai pas envie de lâcher. Je comprends. On va arriver sur les trois dernières questions de cette interview. Certainement. Donc là. Oui. Ah, pardon. Donc la question liée au Covid, notamment. Ouais. Pendant cette pandémie, depuis l'année dernière, comment as-tu orienté ton projet musical? Ouais. Et les points positifs ou négatifs selon toi? Points positifs, comme beaucoup de gens, J'ai passé beaucoup de temps chez moi, mais je passais de toute façon beaucoup de temps chez moi. Je sortais qu'une heure par jour pour faire du sport. Donc, moi, le Covid, c'est que tout le monde a fait comme moi, évidemment. Non, je plaisante, hein, je précise à l'auditeur que c'était de l'humour. Non, ça m'a permis de développer ma chaîne YouTube. Ça, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai pu tester des choses de montage vidéo. J'ai pas pris de cours de Zumba, mais non, je fais référence au dernier morceau de Mick Jagger qui raconte son confinement en disant qu'on a tous pris des cours de Zumba, qui est très drôle, qu'il a fait avec Dave Grohl, le leader. Dave Grohl, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on s'est tous essayé, peut-être, pas tous, mais beaucoup de gens à différentes choses. Mais moi, je me suis dit, on va en profiter pour développer ça, la vidéo. Donc, ma chaîne YouTube, je me suis dupliqué, puis triplé. Je fais, en essayant de faire dialoguer plusieurs vidéos de moi-même sur un même morceau. Ça, c'était cool. Et puis, j'ai continué à composer, continué à enregistrer des trucs chez moi. Et voilà, à avancer. Avancer, pratiquer beaucoup les instruments parce qu'il faut ne jamais perdre. Voilà. Comment tu te vois dans entre 2 et 5 ans ? Le projet de Julesi sera comment dans 2 ou 5 ans ? Je ferai bien un live sur la Station Spatiale Internationale. Non, mais sinon, je... Why not ? Ouais, j'ai toujours là. J'ai du mal à me... Enfin, je sais pas. Toujours plein de projets, des collaborations... Peut-être via mon label aller produire d'autres artistes voilà, ça peut être sympa. Ouais. Carrément. Aller trouver d'autres artistes. On a toujours peut-être besoin de reporter les frustrations, les envies qu'on a eues en me disant bah, un jour j'aurais bien aimé qu'il y ait un producteur qui bah voilà, peut-être que moi je pourrais faire jouer ce rôle-là et faire profiter de mon expérience à un jeune artiste. Ça serait cool. La dernière question. Quel conseil peux-tu donner à un débutant, un artiste débutant qui veut se lancer ? Quel conseil tu peux donner ? Que, sauf piston ou cas voilà, particulier, ça prend du temps quand même. Enfin, ben je vais juste, ouais, après, c'est je vais répondre des trucs clichés, hein, beaucoup travailler, bah oui, ça... être habité, enfin, faut vraiment que ça soit lié, faut vraiment que ça soit un truc tellement, tellement important pour soi-même, mais tellement important. Faut être obstiné, faut être obsédé, c'est vraiment une obsession qui est liée à la vie elle-même, en fait. Et il faut pas avoir peur que ça implique des montagnes russes émotionnelles où des fois on se retrouve vraiment tout en bas. Et il faut se dire que c'est absolument normal. Il faut aller faire pousser des graines pour remonter vers le haut. il faut s'en servir pour composer, mais il faut se dire que c'est des, voilà. Rien lâcher, que ça va être dur et que c'est normal. Alors on rappelle ton EP qui est sorti le 16 avril, Mayday Prayer. Donc ton nouvel EP, il y a quelques semaines tu avais sorti un clip Before We All Forget, voilà. Quelque chose d'autre à rajouter avant de nous quitter ? Au revoir. Alors au revoir, non, Julesi. Merci beaucoup Bérénice, merci Web Passion. Et gardez votre passion avec une connexion web de qualité. Et je suis ravi en plus de venir sur une radio web dans le Loiret. Avec plaisir. Parce que voilà, j'espère découvrir. Alors le 30 mai, je me produis à Crécy-Couvet, qui est un charmant petit village au sud de Dreux, donc dans mon charmant territoire, mon département de l'Eure-et-Loire. Ce sera au Café de la Blaise, qui est un café... associatif, économie sociale et solidaire, donc je ferai un set acoustique, c'est la fête des mères, amenez vos mamans, voilà, sûrement vers 15h, donc le dimanche 30 mai au Café de la Blaise à Crécy-Couvet, et puis après on verra, et merci beaucoup, portez-vous bien. C'est noté, on se quitte avec Tennessee Whiskey. Oui, j'ai soif, ça tombe bien. À bientôt Julesi, et merci beaucoup. Bonne continuation pour ton projet. Merci beaucoup de même. Au revoir. 3, 4. Used to spend my nights out in a bar room. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. From the bottom. It brought me back from being too far gone. escape. You're as sweet as strawberry wine. Strawberry wine. Ooh. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned. Places. Ooh. Found the bottom of the bottle's always dry. Oh, it's always dry. Oh, but you poured out. But when you poured out your heart, I didn't waste it. Didn't waste your love. 'Cause there's nothing like your love to get me high. Tennessee whiskey, yeah. You're as sweet as strawberry wine. Ooh, strawberry wine. Ooh. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned. Radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion.